clair, obscur. Les musiques sombres sur Rage. Bonsoir à tous mes petits corbeaux et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Avec ce soir une playlist consacrée à notre petit coin de province. En commençant avec, une fois n'est pas coutume, mais ça fait longtemps que je voulais le faire, le groupe New Wave d'Avignon qui a eu son heure de gloire et comment dans les années 80 les visiteurs modèlent. Avec ce titre de 1985, une fille nommée Désir, un titre qui avait marché dans la France entière à l'époque et qu'on réécoute avec plaisir. Et tiens, en parlant d'une fille nommée Désir, bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Soyez les bienvenus dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres. Si ce soir la politique ne vous intéresse pas, un autre direct vous attend. Oui, parce qu'effectivement, on a insisté sur la période électorale la semaine dernière et il y a deux semaines. Et ce soir, pas de bol, Nicolas Sarkozy et François Hollande nous volent la vedette. On vous en veut pas si vous nous écoutez qu'en podcast et pas en direct. Mais on est bien content d'être avec vous de toute façon pour cette playlist consacrée à notre petit coin de Provence, disais-je, et au groupe extrêmement talentueux qui pullule, j'ai envie de dire. On vous avait déjà fait le coup l'an dernier avec The Real McCoy et Enor Enora. Et ce soir, on a d'autres invités dans l'émission, un groupe qu'on avait prévu d'inviter depuis longtemps, puis à chaque fois, ils étaient là, ouais, non, on n'a pas de local de répète, non, ouais, ce soir, j'ai ma petite. Ce sont des stars, il faut assumer. Voilà, ce soir, j'ai une concert de prévu et on les a chopés par la peau des fesses et enfin, ils sont avec nous en studio. Il s'agit des gars de Cat. Bonsoir, messieurs. Et bonsoir. Bonsoir. Alors, tu me dis de faire moins fort, moi je fais moins fort. C'est bien, il a pris le pli, mais il n'est pas de la région. On le garde celui-là, c'est bon. comme beaucoup de gens d'ici, il n'est pas de la région, mais il s'est bien accoutumé, c'est bien mon gars. Allez, on va continuer avec un autre groupe de la région, un groupe dont vous avez déjà parlé. Le projet musical d'un gars d'Aix-en-Provence qui vit dans le Luberon, parce que c'est les touristes qui disent le Luberon, nous on dit le Luberon. Pour votre information, les gens qui nous écoutent au nord de Valence, ce gars donc a commencé dans les années 80 avec le projet musical Humour Malade. Il est resté dans le même humour, il est resté dans le même état d'esprit musical et je vous propose ce titre de Femme Fatale, Contact the Fact. Contact. À l'instant, un extrait de Femme Fatale. C'est un projet musical dont vous avez déjà parlé il y a quelques temps, notamment à l'occasion de sa collaboration avec May. Pas le mois du printemps, simplement un projet musical de Reims avec lequel ils avaient fait des morceaux assez sympas. Et tout ça est sorti sur des compilations qui sont disponibles en libre téléchargement sur le site du label Fatal Object. Je vous les remettrai sur le forum de Rage, bien entendu, si ça vous intéresse, mes petits corbeaux. Et c'était à l'instant le morceau Contact The Fact de Femme Fatale, un projet post-punk qu'on pourrait deviner de Manchester et qui en fait vient du Luberon. Alors Luberon ou Luberon finalement ? Vas-y, Fred, dis-nous. Allez Fred, dis-nous. Moi je sais pas moi. Ah tu viens nous le dire hors antenne, hein, t'assumes maintenant. Alors, hors antenne, il nous a refusé sa science là et puis maintenant il refuse. Non, effectivement moi je me suis aperçu et après avoir fait quelques recherches qu'il y avait deux orthographes avec pour Luberon et Luberon pour bien faire la différence. Et en fait le Luberon c'est la partie nord de la montagne du Luberon et la partie sud c'est le Luberon ou le contraire. C'est comme on veut. Vous pouvez venir en disserter à la rigueur si vous n'êtes pas d'accord. Ah, c'est volontiers qu'on peut en disserter. Hein. Tout à fait. Et même sur Internet. Sur Facebook, vous me rejoignez sur le groupe où il y a pas mal de monde déjà de connecter. Hein. Ça discute. Hein. Je vois qu'ils sont copains maintenant. Donc soyez tous les bienvenus. Vous pouvez aussi faire un petit tour sur le www.rage.fr pour nous écouter via le net. Le 90.3 pour les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et le 102.5 pour le Gard et l'Hérault. Au bout de 4 ans, j'y arriverai. Merci Stéphane, j'ai vu ton petit sourire. Non, parce que ça fait des années que Nathalie. Non, mais il y a des choses, ça rentre pas, c'est comme les maths. Mémoriser les fréquences et oublier le canal 8D de la RNT pour ceux qui nous écoutent en radio numérique sur Marseille. Et le podcast pour ceux qui sont devant la télé ce soir. Alors, comme je vous le disais, ce soir, on a des invités dans l'émission. Un groupe assez intéressant parce que déjà, il est de la région et ça fait toujours plaisir d'accueillir les talents de la scène locale. Mais en plus, parce qu'il a cette particularité d'être à la fois entre l'indie, le prog et le post-punk. On aura l'occasion d'y revenir en cours d'émission. Mais pour le moment, on va présenter ces messieurs, les musiciens. Alors, vous venez d'entendre à l'instant Frédéric Rossi. À ses côtés, bonsoir. Il y a Jérôme D'Antonio. Ensuite, il y a Raphaël Messina. Alors déjà, excusez-moi messieurs, mais je vais être désagréable d'entrée. Excusez-moi, mais j'ai une réputation à défendre. C'est quoi ça? Ça fait vraiment clan des Siciliens. Messina d'Antonio Rossi. Faut pas parler trop fort. Il y en a un qui sauve l'honneur quand même. Il y en a un qui a son pseudo. Et au milieu, il y a Xudi. C'est ça. c'est la caution chinoise asiatique de l'émission. Tout à fait. Bien. Bon, non, c'est simplement italien, mais on le prononce mal, c'est tout. Ah, décidément, les Rital, ils sont partout. Hein. Enfin, United Color. C'est dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit en plus. En United Color for Dark, ouais, c'est pas mal. Alors, t'es un peu gris clair et gris foncé, en gros, c'est ça, quoi. C'est ça. Et bon, les Rital, on les pardonne quand ils se mettent derrière les guitares, parce que ça fait plaisir en l'occurrence. Et donc, ces trois messieurs, finalement, sont ce soir dans le studio, mais ils ont eu des parcours avant. Comment vous êtes-vous rencontrés, les gars? Ah, bah, ça, c'est une longue aventure. En fait. Je suis originaire de Lorraine, comme je l'ai expliqué tout à l'heure hors antenne. Et quand je suis arrivé dans le sud, je voulais monter un projet rock, puisque ça fait maintenant 33 ans que j'en fais. Donc ça a été une très très longue quête du Graal, ce qui illustre peut-être le titre de l'album. Ceci dit, oui, ça a été vraiment compliqué de rencontrer des musiciens et compétents et disponibles. En fait, j'ai mis pratiquement 3 ans pour réunir ce line-up. Et ben voilà, le résultat est à la hauteur de nos espérances, on va dire. Voilà. Le projet 4, finalement, s'est constitué autour de toi. Ouais, c'est ça. Ça sans prétention ou quoi, mais c'est simplement qu'effectivement. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune prétention mal placée, il n'y a aucun intérêt à ça. L'idée, c'était effectivement de composer des morceaux, de pas abandonner ce que j'avais laissé en quittant ma Lorraine natale. C'est de continuer à faire de la musique, à pouvoir s'exprimer, à donner des points de vue, enfin, à faire partager des émotions. Et voilà, ça a été laborieux et ben, au bout du compte, on s'en est pas trop mal sorti, quoi. Je te confirme, mais je te rassure, hein, on a eu nos collègues de Tapage Nocturne avaient invité un groupe de Marseille, un très bon groupe de glam qui s'appelait Raquel Trax, et ils avaient un peu plus d'accent que toi, mais ils disaient peu ou prou la même chose, et pourtant eux ils sont de Marseille depuis des générations, tu vois. Comme quoi. C'est-à-dire qu'il y a des bons musiciens à Marseille, il y en a des tas, mais des musiciens motivés pour monter un groupe et faire autre chose que prendre le pastis pendant les répétitions, tu vois, c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, quand on veut, on peut, et manifestement, messieurs, vous en voulez, n'est-ce pas Nat? Et moi j'avais une question, Kat, ça vient d'où? Allez, la question people. Alors ça vient de Somalie, c'est simplement une herbe qui pousse là-bas, qu'on mâche et puis qui rend un peu... Gay. Gay, ouais. Je pense que c'est le mot juste, c'est gay. Ah, c'est ouais. Ça le secret de votre franche amitié, voilà. Virile, en gros. Ouais, hein. C'est ça, c'est moi, le cas. Moi, je cherchais une Kit Kat, mais bon, voilà, ça y est, je suis démasquée. Oh, bon, voilà, c'est petit budget, c'est pas la même chose. Encore des références à la drogue. Elle est jaunie, la jeunesse. Elle est jaunie ou elle est jolie? Ça dépend des jours. Ça dépend. Quoi qu'il en soit, messieurs, vous avez quand même eu des parcours musicaux avant. Toi, donc, Fred, tu nous dis que tu descends de Lorraine, que tu avais fait déjà des trucs là-haut. Il me semble qu'à tes côtés, Xoudi a eu des projets musicaux, notamment dans Engelzone, qu'on vous avait passé il y a quelques émissions. Oui, j'ai eu des projets musicaux comme Engelzone. J'ai un projet perso qui s'appelle Mortal Toys aussi. Dans quelle veine? Mortal Toys, c'est plus rock indus, tendance un peu psychédélique. Ouais, toujours dark, évidemment. Engelzone, c'était du rock indus. Voilà, quoi. D'autres, peut-être d'autres projets perso aussi, ou avec d'autres personnes en cours d'élaboration. Ouais. Et de l'autre côté, parce qu'ils sont un petit peu serrés dans le studio, dans le bocal, si vous voulez, mais de l'autre côté de Nathalie, il y a deux autres garçons, dont Raphaël Messina, notamment. Ouais, c'est ça. Alors toi, tu avais joué dans Engelzone, enfin je crois que tu avais participé, non? Je faisais partie de groupe qui s'appelait Web, mais c'était à l'époque de 97-98 par là, jusqu'à 2000 quoi. Et en ce moment, t'as aussi un groupe de reprises En fait, c'était un peu mélangé au départ, et après on en fait que des compos quoi. Donc le style, c'était rock un peu, psyché, rock indus, enfin, pas indus à 100%, il y avait un peu des séquences, tout ça, mais bon, c'était pas... ouais, psyché rock plutôt, psyché rock quoi. Et donc à tes côtés, il y a un autre garçon, donc Jérôme D'Antonio, qui lui va nous parler de ses projets avant Enquête. Qu'est-ce que ça fait avant finalement? Simplement des groupes locaux, ouais, sans prétention, juste. Ouais. C'est une bonne manière de faire ses classes sans prétention? Ouais, voilà, ouais. Rien de réellement notable, on va dire. Pendant pas mal d'années. C'est pas modeste. Non, j'ai plutôt pendant pas mal d'années favorisé le travail de l'instrument plus que d'enchaîner les essais dans les groupes et ouais, rien d'extraordinaire à noter à ce niveau-là. Allez, ils jouent les modestes, mais finalement ce soir ils sont là pour parler de Cat. Non, moi j'ai envie de faire un petit détour, même si ce garçon Xoudi ne fait pas grand-chose pour vendre son projet personnel, moi j'ai envie de vous le faire écouter néanmoins avec une reprise de Cure qu'il avait fait il y a quelques années, un morceau du nom de The Walk. On propose de prendre cette marche musicale avec nous. We'll be right back. À l'instant, une reprise de la bande à Robert Smith, The Walk. C'était un morceau qui était sorti sur single en 1983. Et finalement, c'est un morceau qu'on a plaisir à réécouter, notamment dans cette reprise faite par Xoudi dans un de ses projets solo, un projet alternatif à 4 qu'il a fait. T'as fait ça quoi, il y a 2 ans, je crois? 2 ans, tout à fait. Pour mon projet perso qui s'appelle Mortal Toys. Bon, les jouets mortels, hein. Ouais, pas homologué par NF, quoi. Non, non, pas du saloperie. Non, en fait, je suis un grand fan des Cure. Comme tant d'autres. Ouais. Voilà. Et je voulais faire ce morceau parce qu'en fait, c'est un morceau du virage très pop qu'ont pris les Cure après leur période sombre. Et je voulais le rendre un peu plus sombre. Il y a des très beaux morceaux. Enfin, les Cure, c'est tellement fantastique. Même dans la pop, ils sont énormes, quoi. Non, c'est vrai qu'ils ont fait des morceaux qui, comme d'autres groupes de cette période-là, ont fini par être un peu datés. Et ta reprise, c'est vrai qu'elle apporte un peu un côté dark qui était bienvenu, et puis un peu de fraîcheur, tout simplement, parce que ça permet de le remettre au goût du jour, ce qui n'est jamais désagréable. Mais on va en revenir à Cat, notamment. Cat, effectivement, est le projet pour lequel vous êtes venu nous voir ce soir, qui donc signifie cette plante qu'on mâche du côté du Yémen, hein, c'est la coca dans les Andes, et puis au Yémen c'est le cat. On va pas épiloguer sur le sujet avec modération, mes petits corbeaux, mais quoi qu'il en soit, c'est aussi un style musical assez intéressant dont on a envie de vous parler ce soir. Alors, vos influences finalement. Vos influences. Qu'est-ce qui vous a fait vibrer pour arriver à rien? Bon, bah alors vous remballez, vous vous cassez, et puis c'est fait. Hein. Chantal Goya, Dorothée, non, je rigole. Ouais, comme tout je le monde. Je me disais, il y avait un truc de Bernard Minet. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes les enfants cachés de Led Zepp et de Joy Division. En tout cas, c'est comme ça que vous décrivez sur Exactement, votre MySpace. C'est intéressant. Ouais. Bravo. L'idée, c'était effectivement ça. C'était, on a tous une culture... post-punk et forcément Cold Wave, sauf Jérôme le guitariste qui lui a vraiment une culture 70s très très marquée. Et globalement l'idée du projet en fait c'était de réunir un peu ces deux cultures, le côté un peu pop entre guillemets, hein, bien sûr, de la période post-punk où on a des accords plutôt majeurs, des arrangements assez minimalistes, avec des grosses guitares saturées qu'on avait dans le glam des années 70. C'était ça l'idée du projet, en fait. C'était d'avoir des compos de musique qu'on aimait bien et de les rendre un peu plus rock'n'roll. Voilà. Mais ça semble beaucoup ce côté à la fois 70s avec le bois, le jeu gratte électrique, et puis derrière le côté bien lourd. Alors ouais. C'est bien parce que moi j'ai un compagnon qui est très 70s, moi je suis plutôt dans le dark, donc vous satisfaisez tout le monde à la maison, c'est génial, continuez. C'est la même chose à la maison chez moi. Tout à fait, pas de guerre pour écouter quoi que ce soit, c'est très pratique. Et c'est un peu la même chose à la maison aussi. C'est vrai que ma compagne a vraiment une culture hippie carrément. Pour le coup, et on s'amuse à ça et on se fait des soirées comme ça à se faire des battles parce que c'est très tendance de faire des battles. Du dark hippie. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais passé, du dark hippie. Je sais pas si ça existe. Mais... ça viendra. C'est l'album suivant normalement. Alors, la question qui tue, est-ce qu'elle te fait manger bio? Alors, Bioman plus. Elle me fait super bien manger, voilà. Je m'étendrai pas sur ça. Bon, on sait qu'elle t'écoute ce soir. On sait que ça va rouster à la maison si tu réponds mal. Et bien justement, tu parlais de votre prochain album qui est sans doute déjà bien avancé dans votre tête, mais pour le moment, vous avez déjà une petite discographie courte mais honorable. Alors, vous avez sorti un EP il y a quoi, 3-4 ans ? 3 ans, c'est ça, ouais, il y a 3 ans. En fait, c'était pour concrétiser déjà un peu le projet. Ça permettait déjà d'avoir des repères et puis d'avoir une expérience studio tous ensemble, savoir comment on allait s'en sortir. On a eu la chance de faire des rencontres intéressantes, notamment avec Manfred du studio Vega. Ça nous a permis d'enregistrer dans un très beau studio avec une qualité de prise de son exceptionnelle. Et puis ça a permis pour la première fois d'entendre vraiment le son de Cat, ce qu'on cherchait vraiment. Et ça a permis aussi de corriger certaines petites erreurs de jeunesse et puis... Et puis voilà, on était plus ouverts après pour rentrer définitivement enregistrer un album. Ouais. Et l'album a suivi, c'était Holy Grail qui est sorti l'an dernier, me semble-t-il. C'est ça, ça a été laborieux parce que le Saint Graal n'est pas facile ouais, à non, avoir. C'est clair. La quête du Graal a été vraiment laborieuse dans le sens où il y a des éléments moteurs de la formation dont on a dû se séparer parce que Il y a eu des réactions dont on s'attardait pas à ça. Et vous du avez coup, fait des scissions avec vous-même. Ouais, ouais, c'est ça. Et je me suis coupé en deux. Voilà. Et ils nous font le coup des tranxènes de sang, là, comme dans le sketch des Inconnus. Voilà, ils ont fait des scissions avec eux-mêmes. D'ailleurs. Mais ça c'est un cas avant, classique. Avant, ils étaient schizophrènes, maintenant, ils vont mieux. Effectivement, pour rebondir, là, tu disais que c'était un cas classique. Effectivement, c'est par expérience, comme je le disais au début d'émission, ça fait 33 ans que je fais de la musique. J'ai eu pas mal d'expériences studio. Et c'est une constante. Quand on sort quelque chose de studio, il y a forcément un clash qui suit. Quoi. Je pense qu'on donne tellement d'énergie, qu'on donne tellement de soi que parfois le résultat n'est pas à la hauteur de ses attentes et je pense qu'il faut simplement patienter et globalement, généralement, on s'en sort toujours bien. Quoi. Prendre du recul par rapport aux choses. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est une maïeutique musicale. Ouais, exactement, c'est une forme de thérapie. Ouais. Un très bon groupe d'ailleurs qui devrait passer dans cette émission. Hein. Allez, bah, écoutez, on va pas vous faire languir plus longtemps. On va écouter deux extraits de ce disque dont on vous avait déjà passé d'ailleurs un extrait l'an dernier à l'occasion de cette émission spéciale avignonnaise qu'on vous avait fait. On vous avait passé un extrait de cet album Holy Grail et on va recommencer avec le titre Forever. We'll be right back.

l'instant, vous venez de découvrir, si vous nous avez rejoint pendant cette deuxième demi-heure, avec Forever et Holy Grail du groupe 4 qui est présent avec nous. Et si vous venez de nous rejoindre, vous pouvez nous écouter sur quelle fréquence, n'est-ce pas Stéphane? Sur le 90.3 du côté du Vaucluse, sur le 102.5 du côté du Gard et de l'Hérault, et une petite frange des Bouches du Rhône, sinon sur Marseille, le canal 8D de la radio numérique terrestre. Sur les portables via l'application via Live Orange, me semble-t-il. Mais oui. Vous y connaissez sans doute beaucoup mieux que moi en portable, vu que moi j'ai même pas de ligne fixe. Et ensuite, enfin, vous pouvez nous écouter sur le www.rage.fr, sur le player de la radio qui marche correctement depuis quelques mois. C'est l'extase. Et sinon, bien entendu, si vous écoutez le débat présidentiel, et on peut pas vous en vouloir pour ça, ce mercredi 2 mai, eh bien, vous pouvez aussi nous écouter en podcast qui sera disponible dès que possible sur le Facebook, sur MySpace, sur Tumblr et tutti quanti. Mais on va revenir au groupe qui nous accompagne ce soir. Le groupe 4. Alors moi, je voulais vous demander, justement, vu qu'on a la chance de vous avoir présent avec nous ce soir, au niveau de la composition, pourquoi un choix de chant en anglais? Je vais y arriver. Ah, ça c'est une bonne Pourquoi question. L'anglais? Parce qu'on a quand même une belle langue expressive avec des jolis termes. Surtout que ma compagne est prof de lettres, donc... Ouh là, c'est double rose. Ah, on t'a grillé. On t'a grillé. La fessée. Avec la main mouillée, si c'est possible. Bon. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Tu nues ou pas? Tant qu'à faire, ouais. Alors, non, c'est une question qu'on me pose régulièrement, et j'ai forcément une réponse toute prête. Alors, rock, ça s'écrit R-O-C-K, ça s'écrit pas R-O-Q-E. Même si dans quelques villages du Vaucluse, ça s'écrit comme ça. Oh, il y a rock d'un terrain. Oh. Quoi, tu peux chanter rock aussi? Aussi, ouais, je peux chanter rock aussi. Et ça, comme du rock. Tout simplement parce que je trouve que, comme je destine ma musique à un public international, il est important que le monde entier me comprenne. Sauf les Français. Non, mais c'est une blague. Bien entendu. En fait, c'est simplement qu'il est trop timide pour écrire dans une langue que les gens vont comprendre spontanément pendant Exactement. Les concerts. Voilà. En fait, c'est pas de l'anglais, c'est du yaourt. Exactement. Ouais, j'ai compris. Et le pire, c'est que c'est vrai. C'est bulgare. Ouais, c'est bulgare. C'est bulgare. Non, mais c'est vrai que c'est un peu facile de notre part, mais on a une question méchante par interview, et donc pour vous, c'était celle-là. Mais c'est une question, c'est un reproche qu'on fait à beaucoup de groupes français. Parce que c'est vrai qu'on a une belle langue et il y en a qui prennent le parti de chanter dans cette langue-là, mais c'est vrai que pour eux c'est un challenge particulièrement ardu. Donc peut-être que ça viendra. Est-ce que ça vient? Pour répondre, je pense que j'ai pas la qualité d'écriture d'un Bertrand Cantat ou d'un Alain Bachung. Peut-être que ça passe mieux avec l'anglais. Ouais. Mais alors, j'étais 3 ans à Londres, ça m'a beaucoup aidé. Superbe liaison. On n'avait rien dit, mais bon, tu t'es tapé tout seul, mais c'est pas grave. Non, mais voilà, c'est que... Alors, il mange du 4, ça lui met du merguez, ensuite il a pédé à l'autre. Et il chante d'une voix rock. Il a voilà. Écoutez, on a fait le tour, là. Voilà, ça, et Stéphane qui nous présentait l'émission d'une voix de téléphone rose. Ça, bah, oui. Je fais bien. Hein. Ouais. Moi, je connais mes fréquences, Nathalie. Allez, bah oui, mais au moins... Allez, messieurs, vous avez déjà fait un EP, un album dont on vient d'écouter 2 extraits, Forever et Holy Grail. Ben, écoutez, dans l'avenir, comment ça s'annonce? Vous faites des concerts à droite, à gauche, on vous voit aller sur la Sorgue, on vous voit à Avignon, on vous voit à Marseille. Je sais que l'an dernier, vous avez participé au Forum Zik Me Up, c'est bien ça? C'est ça, oui. Bon, c'était rigolo, voilà. Zik Me Up, c'était vraiment rigolo, c'est tout, ça s'arrête là. Les ambitions, il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Tu parlais de faire un disque. Non, mais ce que moi, je veux dire, c'est que... une question sur le Zik Me Up, je ne vais pas t'embêter. Mais pourquoi tu dis que c'était rigolo? Parce que j'ai le retour d'autres groupes avec qui c'est passé et que ça s'est très bien passé. Ah, j'ai pas dit que ça s'était mal passé, mais c'était rigolo. Je sens vraiment gavé, mais j'ai pas eu le terme rigolo, donc ouais, je suis curieuse. Parce que c'est simplement rigolo, j'ai trouvé ça marrant. D'aller faire les pantins avant sur une scène comme ça, jouer un morceau, et puis voilà, c'est un exercice presque aussi laborieux que celui qu'on a eu il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire celui qu'on va avoir ce soir, jouer en live en acoustique, c'est peut-être aussi rigolo que Zik Me Up. Clair Obscur, une émission rigolote, donc ce sera aux auditeurs d'en juger. C'est une première quand même. Quoi qu'il en soit, une petite demoiselle qui, elle, fait le Zik Me Up, alors on espère que ça se passe bien pour elle. Cette année, c'est Charlotte Denor et Nora qu'on avait reçue l'an dernier, qui avec son projet acoustique, Heavenly, médiéval, tout mignon, tout trognon, etc. Et moi je vous propose d'écouter une de ses compositions dans son monde onirique avec le titre « Le monde de Blanche-Neige ». Bienvenue dans le monde corbeau. Clair obscur, le meilleur des musiques sombres sur Rage. Mmh. De retour avec nous dans Clair Obscur, mes petits corbeaux. À l'instant, on vient d'écouter un morceau d'Enor et Nora, une petite demoiselle de Lille-sur-la-Sorgue à qui on souhaite le meilleur parce qu'elle a beaucoup de talent. Et c'était Bienvenue dans le monde de Blanche-Neige. Bienvenue dans son monde aussi à la rigueur. Si vous la découvrez, évidemment, on vous mettra des renseignements sur le forum de Rage et sur le Facebook pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur elle, le cas échéant. Mais c'est avec le groupe 4 qui nous a accompagnés ce soir. Merci messieurs d'être venus avec nous. Merci de nous avoir reçus, hein, si bien reçus. Alors on zappe très rapidement sur l'agenda concert, excusez-nous. Et vous allez maintenant nous interpréter deux morceaux. Alors je suis sûr que le premier vous le dédicacez à Carla et c'est Nicolas. Parce qu'il s'appelle A Dwarf on the Beach. C'est exactement ça. C'est... Magnifique la transition après le monde de Blanche-Neige. Voilà, hein, on y est un peu encore. Hein. Voilà. Et en fait on va se quitter alors avec deux morceaux que vous nous jouez en acoustique, une exclusivité pour Rage, A Dwarf on the Beach et Two Kojak. Alors vous avez trop regardé les séries télé quand vous étiez petit, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça, le show m'a toujours fait un effet bœuf. Voilà. Allez, on vous écoute, on vous met les informations pour l'agenda concert sur le groupe Facebook de l'émission. Mes petits corbeaux, passez une bonne fin de soirée, bisous. Bonne nuit, faites de beaux rêves. À bientôt. Alors bonsoir le radio. With a view to be the king, he was a girl, just a little bit full of lovers. Get the love, a special prize, no mighty success. Une autre. Allez. Théo Kojak. Dop, dop, dop. Let the fucking fireworks all down low. To deliver the fucking crime. Let the fucking fireworks all down low. Like the fucking trail in it. Faites le bon choix quand vous avez voté. Bisous à tous, salut. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup,